kibi jigin bara fet lay ta fantu te lewla lulu du jemba jamba daw fanani dole amma ko bi gadan